L'actualité à Nancy et ailleurs. Le salon Vitalité et Bien-être de Pont-à-Mousson revient pour une nouvelle édition. Ce sera les 29 et 30 mars à l'espace Montrichard. Plus de 50 exposants, des conférences, des ateliers pratiques. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Agnès Depardieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'organisation de ce rendez-vous. Depuis le début, depuis quand ça existe ? Alors, depuis 2012, effectivement, j'étais à l'initiative de ce salon et on est trois organisateurs. Pourquoi vous avez eu l'idée d'organiser un rendez-vous comme ça en 2012 ? En 2012, je me suis installée à Pont-à-Mousson avec une école de sophrologie dans la ville de Pont-à-Mousson. Et faisant de la formation professionnelle, j'étais pas connue et reconnue. Donc, ça m'a permis aussi de faire connaître toutes ces activités qui sont bien développées depuis aux habitants de Pont-à-Mousson. C'était le but. Ça a bien sûr trouvé son public. Pour Pont-à-Mousson, vous me disiez, en préparant la 10e édition, je crois. On a commencé en 2012 et oui. On n'a pas fait pendant le Covid. Donc, oui, ça doit faire à peu près la 10e édition. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut trouver lors de ce salon Vitalité et Bien-être ? Je dirais déjà des professionnels. On demande toujours quand même des certificats de professionnels. On ne veut pas d'amateurs. C'est important parce que c'est vrai que c'est la jungle quand même dans ce milieu aujourd'hui. Oui, c'est un secteur parfois qui souffre d'une mauvaise image. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que quelquefois, c'est pas évident, mais on tente de vraiment faire, comme on dit, le ménage. C'est pas très beau comme terme, mais c'est une réalité chez nous. Donc, vous trouvez pas des thérapeutes, des sophrologues, puisque j'ai une école, donc souvent par chez moi, pas tous quand même. Aussi des sophrologues de d'autres écoles, des coachs. Actuellement, il y a quand même beaucoup de coachs. Et on a aussi beaucoup de minéraux, bijoux un peu magnétiques. Ça, oui, c'est vraiment en assez grand nombre. Mais c'est pareil, on limite. On ne peut faire entrer entre 60 et 80 exposants, selon la taille des stands. Cette année, on a des grands stands, donc ça risque d'être plus près de 60, 65 peut-être. Pour l'instant, on est à 60. Donc, ça se passera à l'espace Montrichard à Pont-à-Mousson. Il va y avoir différents ateliers, il va y avoir des conférences. Vous pouvez nous expliquer un peu quel type de conférences on va trouver, notamment ? On trouve des conférences un peu sur pas mal de thèmes énergétiques, sur aussi des pratiques pour enfants, sur le psychocorporel, c'est-à-dire le langage du corps, dans le sens, quand je souffre d'une partie de mon corps, quel est le message que le corps me crie ? Parce que quand on arrive à une maladie, il ne parle plus, il crie. Donc on a aussi une conférence sur l'écoute du corps. On a également, là c'est un peu nouveau cette année, c'est une agence qui va aider les personnes à domicile. Donc elle nous fait une conférence. C'est sur l'accompagnement des personnes en souffrance et à domicile. Donc tous les services, ménage, cuisine, voilà. Sinon, on a pour cette année quelque chose un peu de nouveau, c'est pas aussi original que ça, mais on a une dame qui est dans les espaces verts et qui fait des jardins bien-être. Donc là, il faut un grand stand. On a aussi des écoles, puisque nous-mêmes, il y a deux organisatrices qui ont une école, dont Annie avec une école de massage qui n'est plus à Pont-à-Mousson, mais qui est à Bouxières, pas très loin. Une école de réflexologie plantaire qui est à Thionville, mon école, et une école énergétique, sur les pratiques énergétiques. Donc on a également dans les ateliers des personnes qui viennent nous faire des bains sonores, c'est-à-dire avec les bols tibétains. On a aussi un stand qui vend des bols tibétains. Vraiment, cette année, c'est très, très varié, beaucoup plus que les autres années. Donc, on le voit, une multitude de possibilités pour aller mieux, c'est ça. Mais bien sûr, ce n'est pas pour soigner, mais c'est juste pour avoir différentes méthodes, que ce soit le jardinage, la sophrologie ou même les bols tibétains, pour mieux se sentir déjà dans la tête. Mieux dans la tête et mieux dans le corps. Oui. En sophrologie, on néglige pas le corps et toutes les pratiques. Donc, on aura aussi des art-thérapeutes, des personnes qui ont des pratiques, je dirais, pour les enfants, pas mal, les parents. Parce que aussi, les parents peuvent être en souffrance aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais en tout cas, oui, quand on devient parent, c'est toujours une étape à franchir. L'après-Covid a amorté un peu plus de besoins dans ce domaine-là aussi ? Oui, ça change un peu de public en même temps. Et puis, je ne sais pas si on peut dire qu'on a plus ou moins de monde. On a toujours eu quand même beaucoup de monde à nos salons. Alors, soit ça sensibilise beaucoup, soit je suis allée distribuer des flyers au marché samedi. Il y avait des avis beaucoup plus tranchés. Soit c'est « ah oui, tant mieux ». Non, j'en veux pas. J'ai pas été creusée plus loin, mais voilà. à ce que j'ai vécu. Toujours ce problème d'image peut-être aussi de ces pratiques. Oui, c'est vrai. À Pont-à-Mousson, on a réussi à donner une image plus sympathique parce qu'ils nous connaissent. C'est inconnu, ça fait peur. Alors, ce salon, vous l'adressez à qui particulièrement? Pas forcément aux gens qui sont déjà initiés de ces pratiques. C'est vraiment tout le monde. Du tout, tout public. Pour ceux qui souhaiteraient venir, donc on le rappelle, c'est les 29 et 30 mars à l'espace Montrichard. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des horaires, bien sûr? Vous pouvez nous dire un peu tout ça? Alors, les horaires, le samedi, c'est de 10h à 19h. Le dimanche, c'est de 10h, toujours à 18h. Alors, on fait payer 2 euros l'entrée. Bon, sauf si on nous dit que c'est pas possible, on n'insiste pas. Et les personnes à partir de 18 ans. C'est pareil, c'est un étudiant qui nous montre sa carte, même pas besoin de montrer sa carte, on lui fait un petit rabais, enfin, on ne lui fait pas payer même. Donc tout le monde est bienvenu. Les 29 et 30 mars, espace Montrichard, c'est chemin de Montrichard à Pont-à-Mousson, bien sûr. Un dernier mot peut-être pour donner envie à nos auditeurs de vous rejoindre les 29 et 30 mars. Alors peut-être, je sais que les Français aiment manger, donc il y a un service restauration, il y a un food truck et des petits sandwichs bretzel, et nous-mêmes, on vend, pas cher, mais on les vend quand même, au prix coûtant, des assiettes de crudités. Il y aura aussi des soupes, des petites choses comme ça à manger pour pouvoir tenir le coup toute la journée. Et des gâteaux, c'est à 4 heures. Bah écoutez, le bien-être, ça passe aussi par l'assiette. Bien sûr. Merci beaucoup Agnès Depardieu. On peut préciser qu'il y a un site internet. Quel est-il? Alors, salon bien-être avec un S à la fin d'être et .fr. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.